بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. On attaque aujourd'hui l'explication de Kitab al-Salah du livre Umdat al-Fiqh de l'imam Qudama rahimahullah ta'ala. Il a commencé ce livre de la Salah par un hadith rapporté par Abu Daoud dans son Sunan selon Ubad ibn Samit. On dit le hadith, il dit: روى عباد بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala dans son Sunan. Il fait partie des preuves de ceux qui disent que le fait de délaisser la salat n'est pas une mécréance majeure, kufr akbar, mais c'est une mécréance mineure. La réponse à ces points-là, d'abord, il semble que cette opinion, et ça apparaît clairement dans le Mughni, comme quoi ça soit l'opinion de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Auquel cas, c'est une erreur. Et tous les ulémas ont des erreurs. Et on va voir que l'imam Ibn Qudama, on l'a déjà dit, c'est un imam de la Sunna, c'est une personne qui est sunnite, qui appartient à aucune des sectes égarées, ni les Murji'a, ni les Qadariya, ni autre que cela, encore moins les Jahmiya ou d'autres. Mais dans cette question-là, il a fait une erreur. Il a été influencé par des ulémas qui ont été visiblement eux-mêmes influencés par les murji'a. Par les murji'a, ceux qui sortent les actes de la foi. La traduction du hadith est la suivante. 5 prières qu'Allah a prescrites à ses serviteurs, de jour et de nuit. Celui qui les accomplit ou qui les préserve, c'est sur ce terme-là, al-muhafaza, on va voir ce que ça signifie. Celui qui les accomplit, qui les préserve, il aura un pacte auprès d'Allah qu'il le fasse rentrer au paradis. Quant à celui qui ne les préserve pas, il n'aura pas de pacte auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera, et s'il veut, il lui pardonnera. On a dit que ce hadith était rapporté par Abu Daoud dans son Sunan et d'autres. Al-Shawkani, il a dit dans Al-Awtar, « Wal-hadith wa akhrajahu aydhan malikun fil muwatta wa ibn Hibban wa ibn Sakan, khal ibn Abdelbar, wa sahihun thabitun, lam yukhtalaf an maliki fi. » Thumma qal, « Wal-mukhdajiyu majhulun la yu'rafu illa bihadha al-hadith. » قال الشيخ تقي الدين القشيري انظر الى تصحيحه لحديثه مع حكمه بانه مجهول في نيل الاوطار المجلد الثاني صفحه 16 و300. Premièrement, la réponse au fait de dire que ce hadith c'est une preuve pour ceux qui disent que de laisser la salat n'est pas de la mécréance, le premier point c'est que ce hadith est daif. Comme l'a rapporté Ibn Abdelbar lui-même, malgré qu'il rentre authentique le hadith, il dit qu'il y a dans son isnad une personne qui s'appelle Al-Makhdaji et qui est inconnue. S'il est inconnu, comment on peut authentifier ce hadith, sachant que on ne sait pas si la personne est thiqa, digne de confiance, ou ne l'est pas. C'est d'ailleurs ce que dit Taqiyuddin Al-Qushayri, comme c'est rapporté dans Al-Awtar, comme quoi il dit, regarde comment il a authentifié ce hadith, tout en disant qu'il y avait dans son isnad une personne inconnue. C'est-à-dire, c'est un peu extraordinaire, Ajib. Ça, c'est dans Nail Altar, le volume 2, la page 316. Donc, le premier point, c'est que ce hadith est daif. Il y a dans son isnad une personne majhoul. Le deuxième point, c'est que les ulama ont répondu à ce hadith comme par exemple Ibn Nasr al-Marwazi Il est dit dans le livre Naqd al-Iman al-Qawli wal-Amaliya à la page 380 فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها يعني على الصلاة لا من ترك ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يفعل فليس له على الله عهد معناه أنه لم يأتي بهن على الكمال وإنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن كما جاء مفسرا في بعض الروايات ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه إن شاء وإن شاء رحمه. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait rentrer sous la volonté d'Allah celui qui ne préserve pas la salat. Pas celui qui la délaisse complètement. Il parle de muhafaza, le fait de préserver la salat. Pas celui qui la délaisse complètement. Le fait de dire qu'ils ne la préservent pas, ça signifie qu'ils priaient, mais qu'ils n'ont pas préservé cette salat. Et il y a une version de ce hadith qui dit, par exemple, qu'il a enfreint certains droits de la salat. Que cette personne-là, elle a enfreint certains droits de la salat. Ça signifie que ce hadith, il met sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire que s'il veut lui pardonnera, s'il veut le châtira, pas celui qui délaisse complètement la salat, encore une fois s'il est authentique, mais celui qui en délaisse certains droits, comme par exemple certaines conditions, ou même carrément al-khushu', ou peut-être al-riya', le fait de ne pas être complètement sincère, d'avoir l'ikhlas complet. Et ça, ça a été dit de manière sans s'approcher, par l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, qui est un des compagnons de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui a écrit un livre sur ce sujet-là, qui s'appelle Ta'zim Qadr al-Salah. De même, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il explique ce hadith, il dit la même chose. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 15-600. إنجي le prophète صلى الله عليه وسلم a placé sous la volonté d'Allah celui qui ne préserve pas la salat, pas celui qui la délaisse. Exactement la même parole, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 6, la page 615, c'est-à-dire dans le livre qui s'appelle Al-Iman al-Awsat. Et il dit, de même, Ibn Taymiyyah, on va citer après, il dit فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى تَرْكِهَا لَا يُصَلِّ قَتْ وَيَمُوتُ عَلَى هَذَا الْإِصْرَارِ وَالْتَرْكِ فَهَذَا لَا يَكُنُ مُسْلِمًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ يُصَلُّونَ تَارَةً وَيَتْرُكُونَهَا تَارَةً فَهَؤُلَاء لَيْسَ يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة بن الصامت ثم ساق الحديث المذكور في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 49. Et il dit demain Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala quant à celui qui délaisse la salat et qui ne prie jamais et qui meurt dans cet état-là, celui-là n'est pas musulman. Celui-là n'est pas musulman. Sur ce cas-là, le fait d'une personne qui délaisse totalement la salat, qui ne prie pas, cette personne-là, il n'est pas musulman. Il n'y a pas de doute sur ça. Après, il dit quoi? Il dit quant à celui, mais la plupart des gens, pardon, prient et délaissent. Ceux-là ne préservent pas leur salat. Celui qui prie et qui délaisse. Par exemple, il délaisse une salat comme ça. Ceux-là seront sous la menace d'Allah. Et ils sont, et c'est ceux-là qui sont concernés par le hadith de Ubad ibn Samit, celui qu'on vient de citer. D'accord? Donc, Ibn Taymiyyah, il authentifie ce hadith. Bon, on a dit qu'il était faible. Et il le comprend en disant que c'est ceux qui font la salat la plupart du temps et qui la délaissent de temps en temps, d'accord? Et que ceux-là, ils seront sous la volonté d'Allah. On va voir que ça, une fois qu'on a dit que ce hadith était da'if, on n'établit pas ce jugement-là, d'autant plus que, on va le voir dans quelques instants, les paroles des compagnons s'opposent à cela. Ils disent que les paroles des compagnons, et même l'ijma' qui a été rapporté d'eux, que celui qui délaisse une salat jusqu'à ce que son heure sorte, il est un kafir murtad. Et on va voir ces paroles des ulama. Ces paroles des sahaba. Donc ce hadith, comment on le comprend? On le comprend, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit, فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 15 و 600. Il dit Ibn Taymiyyah, le prophète صلى الله عليه وسلم a mis sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire quand on est sous la volonté, تحت المشيئة, ça signifie qu'on n'est pas kafir, ça signifie qu'on est pécheur. Le kafir est en enfer, mais plus sous la volonté d'Allah, dans le sens, ce n'est plus s'il veut lui pardonne, s'il veut, il le châtie. Non, là, il le châtie. Hein? Comme Allah, il a dit, Allah, la yaghfiruna shirkabi. Allah ne pardonne pas quand il y a souci, quoi que ce soit. Moutaymi, il dit, ceux qui sont musulmans encore, c'est ceux qui ne préservent pas la salat. Pas ceux qui la délaissent totalement. D'accord? Et le fait de ne pas préserver la salat signifie qu'ils ont prié sans la préserver. Ça, c'est dans Majmou' al-Fatah, volume 7, la page 615, il explique mieux quand il dit, rahimahullah, il dit, فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما ولكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة بن الصامت ثم ساق الحديث المذكور في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 49. Ibn Taymiyyah a dit dans un autre endroit, celui qui délaisse la salat totalement, sans jamais prier, et qui meurt dans cet état-là, celui-là n'est pas un musulman. Mais la plupart des gens prient et délaissent. Ceux-là sont ceux qui ne préservent pas leur salat. Et ceux-là sont ceux qui seront sous la menace d'Allah. Et ceux-là sont ceux qui sont concernés par le hadith qui est rapporté par un sunan, c'est-à-dire le hadith qu'on vient de citer, Ubad al-Nusan. Ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 22, la page 49. Ici, on voit qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en se basant sur ce hadith, si on le rappelle, est daïf, lui, il a authentifié, visiblement, comme quoi il se base sur ce hadith pour dire que le kafir, c'est celui qui délaisse la salat complètement. Quant à ce hadith, il concerne celui qui délaisse de temps en temps la salat, tout en la faisant la plupart du temps. On est d'accord? Et on va voir que ça s'oppose aux paroles des sahaba qu'on va citer par la suite, et leur ijma', comme quoi, celui qui délaisse une salat jusqu'à ce que son heure sorte, celui-là, il est kafir. Et on va voir les paroles dans la question suivante. Ensuite, il continue, Ibn Qudama, il dit, rahimahullah, فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عاقلٍ إلا الحائض النفساء. Il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, les cinq salats sont obligatoires pour tout musulman, pour tout musulman. C'est la première condition. Balir, pubère, عاقل, doué de raison, sauf إلا الحائض والنفساء. Sauf la femme en état de menstrue et la femme qui a ses loquies sans la jeune. C'est ces points qu'on vient de citer. Il y a ijma' sur les points qu'on vient de citer. En ce qui concerne l'enfant, Ibn Qudama rahimahullah, il dit dans Al-Kafi, non pardon, dans Al-Mughni, il dit وَيُؤَدَّبُ الْغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إِذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَمَعْنَى التَّأْدِيبُ الضَّرْبُ وَالْوَعِيدُ وَالتَّعْنِيفُ قال القاضي يجيب على ولي الصبي يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بها. Ibn Qudama رحمه الله dit, on force l'enfant à se purifier, à faire la salat lorsqu'il a 10 ans. يؤدب. Et il dit, le ta'dib c'est quoi? C'est le fait de le frapper s'il ne veut pas. Ça veut pas dire le frapper extrêmement fort. Ça veut dire le forcer à le faire, ou le menacer, ou le ta'nif, le fait d'être dur Al-Qadi a dit, Al-Qadi Abu Ya'la, parmi les savants de Hanabila, il dit, il est obligatoire à celui qui est responsable de l'enfant qui lui enseigne la pureté et la salat s'il atteint 7 ans et qui lui ordonne de faire cela. Il est une obligation pour lui de le forcer à la faire lorsqu'il attend, lorsque l'enfant atteint 10 ans. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم علم الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10 رواه الأثرم وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi qui a dit qu'il était Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, enseignez à vos enfants la prière lorsqu'il attend 7 ans. Et frappez-les lorsqu'ils attendent 10 ans. Lorsqu'il a frappez-les lorsqu'ils atteignent 10 ans. C'est-à-dire frappez-les s'ils ne la font pas lorsqu'ils atteignent 10 ans. Ça, c'est dans le Mourni, le volume 2, la page 165. Ibn Qudama, il dit dans son autre livre, Al-Kafi, Rahimallah, وإذا بلغ الصبي وفاق المجنون وأسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب والعشاء لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما لأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لأن وقتها مختص بها. دي ابن قدامة رحمه الله. C'est une autre question. C'est si jamais la personne, l'enfant devient pubère, ou le fou retrouve la raison, ou le kafir rentre dans l'islam. Ici, c'est tous les gens à qui la prière n'est pas obligatoire, et d'un coup, entre guillemets, elle devient obligatoire. Les cas, c'est quoi? Lorsque l'enfant devient pubère. Lorsque le fou retrouve la raison. Lorsque le kafir rentre dans l'islam. Ou lorsque la femme qui a ses menstrues se purifie. D'accord? Si tout cela arrive avant le coucher du soleil, al-maghrib, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent prier al-dhahr al-asr. Ils doivent prier al-dhahr al-asr. Pas seulement al-asr. Le dhahr al-asr. D'accord? Si jamais cela arrive avant que le fajr se lève, ils doivent rattraper quoi? Al-Maghrib ou al-Isha. Al-Maghrib ou al-Isha. D'accord? Cela est rapporté de deux compagnons. Abdurrahman ibn Auf, comme les grands compagnons du prophète, et Ibn Abbas, radiallahu anhum. Pourquoi? Il dit Ibn Qudama, parce que lorsque l'on a une excuse, on a le droit de rassembler ses salats. D'accord? Donc, on dit que c'est dans le même cas ici. D'accord? Donc, si l'enfant devient pubère, si le fou retrouve la raison, si le kafir rentre dans l'islam, si la femme qui a ses menstrues se purifie, tout cela, si cela arrive avant le maghrib, il doit faire le dhuhr ou l'asr. Si cela arrive avant le fajr, il doit faire le maghrib ou l'isha. Le maghrib ou l'isha. Ce qui arrive le plus souvent, même si les autres peuvent arriver, c'est quand même la femme qui a ses menstrues qui se purifie. Il reste une question. Il reste une question, al-mourma'ale. Celui qui tombe dans le coma, ou qui même tombe entre guillemets, comme on dit, qui s'évanouit. J'ai utilisé une autre expression. Celui qui s'évanouit. D'accord? Celui qui s'évanouit. Est-ce qu'il doit rattraper sa salat ou pas? C'est une question. La vie d'al-Hanabina, c'est qu'il doit rattraper sa salat à kulli hal. Il dit, Ibn Qudama dal-Kafi, وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء وعلى السكران لأن عمارا أغمي عليه فقضى ما فاته لأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليها فوجبت عليه كالنائم وهذا كله في الكافي في فقه الإمام أحمد صفحة 64 من القرآن أيدي الكافي il est une obligation pour celui qui s'est évanoui à cause d'une maladie ou du fait qu'il ait pris un médicament. Par exemple, une anesthésie pour une opération, hein, ou celui qui était ivre, qu'il rattrape sa salat. Car Ammar a été, s'est évanoui, pardon, et a rattrapé tout ce qu'il avait raté comme salat pendant son évanouissement. D'accord? On va voir que c'est pas exactement exact cet avis. Je peux dire c'est comme ça. Et il compare cela à celui qui s'endort. Et ça, on sait. Sur cette question-là, il y a ijma. Comme quoi, celui qui s'endort et qui rate une salade, voire deux salades, lorsqu'il se réveille, il rattrape les salades qu'il a ratées. Ça, c'est clair. Il y a un hadith sur cette question-là. D'accord? Mais la question de celui qui s'évanouit, ou qui tombe dans le coma, par exemple, ça, ça peut durer extrêmement longtemps. Celui qui tombe dans le coma un mois, il doit rattraper les salades de un mois. L'avis le plus juste, c'est qu'il ne doit pas rattraper les salades de un mois. Sauf s'il se réveille, il rattrape la salade qu'il doit accomplir lorsqu'il se réveille. Par exemple, il se réveille à l'heure du dhuhr ou entre le dhuhr et l'asr, bien sûr qu'il doit accomplir le dhuhr qu'il a raté. Mm-hmm. D'accord? Comme le dit Ibn Hazm, rahimahullah. Et il dit, وَقَدْ صَحَّ لِبْنِ عُمَرْ خِلَافِ قَوْلِ عَمَّارِ على أن الذي روينا عن عمار إنما هو أنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن كما روينا عن عبد الرزاق بن جريج عن نافع عن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة وعن عبد الله بن عمر عن نافع أغمي عليه ابن عمر يوما وليلة فلم يقضي ما فاته في المحلة المجلد الثاني صفحة 9. ابن حزم رحمه الله يدي que c'est vrai, c'est rapporté de Ammar ibn Yasir parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est rapporté d'Ibn Omar, il est rapporté de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, comme quoi il s'est évanoui un jour et une nuit, et il n'a pas rattrapé les salats qu'il avait ratées pendant ce jour aussi. Et ceci wa huwa ikhtiyar al-Sheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman kama fi durar al-Saniyya al-Mujallad al-Rabi' safha 79 ou 100. Et cela, il a vu aussi parmi les savants du Najd du Cheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman, arrière-petit-fils de Cheikh Mohammed Abdouhab, dans Dora al-Saniyya, le volume 4, à page 197. Et dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, ensuite, فَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا لِجَهْلِهِ عُرِّفَ ذَلِكَ وَأَنْ جَحَدَهَا عِنَادًا كَفَرْ. Il dit ensuite, celui qui renie l'obligation de la salat, celui qui renie l'obligation de la salat par ignorance, on lui explique cela, littéralement on lui fait connaître cela, c'est-à-dire on lui dit voilà, la salat elle est obligatoire, c'est venu dans le Coran, dans la sunna, le jma'a, etc. Si ensuite il la renie en rébellion, en rejet, quoi, il rejette cela, là il devient mécréant. Bil ijma', le commentateur de l'Udda, Shaykh al-Umda, il dit bil ijma', وحكمه حكم المرتدين. Ceci est à l'unanimité. Et s'il la renie, là on parle que de celui qui la renie, il a le jugement des murtaddin. Ensuite il dit, le commentateur de l'Udda, c'est-à-dire l'élève de Qudama, Bahaddin al-Maqdisi, il dit, rahimahullah, وَإِنْ كَانَ مُتَهَاوِنًا بِهَا وَهُمْ مُقِرٌ بِوُجُوبِهَا دُعِيَ إِلَيْهَا وَيُقَالُ لَهُ إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ فإن صلى وإلا قتل بالسيف بقول عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحين. Il y a une question très importante ici, c'est qu'il dit, رحمه الله ابن قدامة, il dit s'il renie l'obligation de la salat par ignorance. Donc ça établit ici l'excuse de l'ignorance en ce qui concerne al-shara'a, les pratiques religieuses. Contrairement, on l'a vu, à la question du tawhid et du shirk, par lequel il n'y a pas d'excuse de l'ignorance. D'accord? Est-ce que cette excuse de l'ignorance ici, dans ces questions-là, elle concerne tout le monde, hein? C'est-à-dire celui qui vit dans un pays musulman, ou celui qui a la capacité de savoir, c'est-à-dire la grande, extrême majorité des gens, de savoir que la salat est obligatoire, est-ce qu'il est concerné par ces choses-là? Non. Comme il le dit, le commentateur de Udat al-Fiqh, dans le Bab Hukm al-Murtad, dans le chapitre du Murtad, il dit, rahimahullah ta'ala, وَمَنْ, c'est la parole d'Ibn Qudama qui dit, وَمَنْ جَحَدَ أَحَدُ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ أَوْ أَحَلَّ مُحَرَّمًا ظَهَرَ الْإِجْمَعُ عَلَى التَّحْرِيمِ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. فقد كذب الله ورسوله لأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله. Il dit, si quelqu'un renie l'un des piliers de l'islam ou rend permis quelque chose qui est interdit à l'ijma, à l'unanimité, d'accord, cette personne-là, il a démenti Allah et son messager, c'est-à-dire il est murtad. car les preuves de cela sont clairement dans le livre et la sunna et ne sont pas cachées aux musulmans. Et ceci ne peut être renié que par une personne qui dément Allah et son messager. C'est-à-dire par un murtad et un kafir. Et il dit ensuite, إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَخْفَ عَلَيْهِ الْوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ فَيُعَرَّفُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ كَفَرَ وَالَّذِي يَخْفِي عَلَيْهِ ذَلِكَ مَنْ يَكُونُ حَدِيثُ عَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَيَكُونُ قَدْ نَشَأَ بِبِلَادٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَهَذَا يُعَرَّفُ فَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ وَإِلَّا قُتِلَ أما من كان ناشئا بين المسلمين مسلما فهو كافر يستتاب فإن تاب إلا قتل وذلك لأن الإقرار بهذه الأشياء ظاهر في الكتاب والسنة. Il dit ensuite quelque chose de très important au niveau de l'excuse de l'ignorance en ce qui concerne al-masa'il al-dhahira, les questions claires, c'est-à-dire les piliers de l'islam, les interdictions connues, etc., etc. Il dit sauf s'il est une personne qui peut ignorer ses obligations. Et il cite deux exemples. Il dit, comme celui qui vient juste de rentrer dans l'islam. Celui-là, il se peut qu'il ignore, par exemple, l'obligation de la salat. Il se peut. Pas forcément, mais ça se peut. D'accord? Donc, il ne devient pas mécréant automatiquement. Ou celui qui vit dans un pays éloigné. Celui qui vit dans un pays éloigné. Vous êtes avec moi? Ici, c'est une question importante qu'on reverra, Inch'Allah, peut-être par la suite. Donc, quoi? Ça concerne Al-Masail al-Dhahira. On a dit, le niveau du tawhid et du shirk, il n'y a pas d'excuse de l'ignorance. Toute personne qui commet le shirk, on l'appelle mushrik. Et il sort de l'islam, automatiquement. Qu'il soit le plus ignorant des hommes, muqallid, etc., etc. Ahl al-fatra, les gens qui sont venus entre deux prophètes, ou quoi que ce soit, on a vu, là, ils sont muslimin bil-ijma'. On ne peut pas les appeler muslimin à l'unanimité, comme on a dit le shirk Ishaq, d'accord? Maintenant, il y a un deuxième niveau, c'est quoi? Al-masa'il al-zahir, les questions claires. Les piliers de l'islam, les obligations connues, les interdictions connues, al-khamr, al-zina, al-riba, etc., etc. Cette personne-là, cette question-là, personne n'est excusé par l'ignorance. Sauf deux types de personnes. Comme il dit Ibn Qudama et le commentateur dans le Udda, Sharh al-Udda, à la page 562-563, sauf deux genres de personnes. Qui? Hadith ul-ahdi bil-islam, celui qui vient juste de rentrer dans l'islam. Et quoi? Et man nasha fi badiyatin ba'ida, celui qui vit dans un endroit éloigné. Éloigné au milieu du désert, etc., etc. D'accord? Quant à celui qui a le Coran chez lui, celui qui a le, comment s'appelle, qui a accès à la science, celui qui a les chaînes religieuses chez lui, même si elles sont pleines de dalal et de bid'a, etc., etc., il sera pas excusé sur les questions claires. Al-masa'il al-zahira. D'accord? Et par exemple, il ne sera pas excusé s'il délaisse la salat. Puisqu'il sait très bien l'obligation de la salat. Ensuite, il dit à propos de la salat, وَلَا حِلُّ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا. Il n'est pas permis de la retarder de son heure où elle devient obligatoire. De son heure où elle est obligatoire, pardon. Pas où elle devient, où elle est obligatoire. وَلَا حِلُّ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا. أي وقت الجواز مع القدرة والذكر إجماعا كما جاء في المبدع شرح المقنع مجلد الأول 98 و 200. Il n'est pas permis de retarder la salat du temps où il est permis de la faire. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il n'est pas permis de faire, de retarder salat al-dhuha jusqu'à ce que l'heure de l'asr rentre. Ça, ce n'est pas permis. Ijma'an, à l'unanimité. À l'unanimité. Ijma'an. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ceux qui autorisent aux gens, parmi les imams des mosquées, de prier en dehors de l'heure, parce que soi-disant ils travaillent, ces gens-là, khalafu l'ijma' al-qat'i, se sont opposés à l'unanimité de tous les ulémas de la communauté. Et la réalité, c'est qu'ils sont tombés dans le kufr al-akbar al-wadih al-mubin. Ils sont tombés dans le kufr al-akbar, quand ils ont autorisé quelque chose que Allah a interdit à l'unanimité, qui est le fait de faire la salat de l'asr après que l'heure de l'maghrib soit rentrée, ou pire encore, le fait de faire salat al-dhahr ou al-asr ou al-maghrib ou al-isha, une fois que tu as fini le travail, et une fois en hiver par exemple, où toutes ces salats sont sorties. Maintenant, il y a deux questions ici. Quel est le jugement de celui qui fait cela? Et quel est le jugement de sa salat? On va commencer par le jugement de sa salat. Ibn Hazm dit, rahimahullah ta'ala, قال Ibn Hazm, فَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عز وجل. ابن حزم دي رحمه الله quant à celui qui volontairement délaisse une prière jusqu'à ce que son heure sorte, il ne pourra plus jamais la rattraper. Il ne pourra plus jamais la rattraper. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, on va le voir, al-waqt min shurut as-salat. L'heure, ça fait partie des conditions de la salat. Celui qui délaisse une condition de la salat, ça serait le batila ou la la? Alors, je vais aller. Il y a unanimité sur cette question-là. Taïm? Celui qui fait la salat sans l'oudo, ça sera le batila. Celui qui fait la salat nue, ça sera le batila, s'il a la capacité de s'habiller. D'accord? Quant à celui qui fait la salat en dehors de son temps, muta'ammidan, volontairement, sa salat est batila. Wala yaqdiru ala qada'iha abadan. Il ne peut plus jamais la rattraper. Sachant que cela est un avis qui n'est pas répandu, c'est-à-dire qui n'est pas l'avis majoritaire parmi les relevants, mais c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah. Ibn Hazm, il passe plusieurs pages de son livre Al-Muhalla à établir ce jugement-là. De même, l'imam Ibn Qayyim, dans un livre qui s'appelle As-Salah wa Hukm Talikiya, il a plusieurs pages pour établir ce jugement-là. Et les preuves de cela, c'est les preuves qu'on a citées, le fait que l'heure soit une condition de la salat, et que ceci est la compréhension des sahaba et des salaf. Comme le disait Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dans sa khutbah, dans un endroit qui s'appelait Al-Jabiya, il a dit, Ala wa inna salata laha waqtun sharatahu Allah la tasluhu illa bih. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, disait pendant sa khutbah, Allah, la salat a un temps. Qu'Allah a mis comme condition. Et elle n'est valable que dans ce temps-là. Elle n'est valable que dans ce temps-là. وكان ابن مسعود يقول رضي الله عنه إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها. عبد الله بن مسعود الجزري رضي الله عنه. La salat a un temps, comme le temps du hajj. Le hajj, il a un temps. Du 8 Dhul-Hijja, jusqu'au 13 Dhul-Hijja. C'est-à-dire, celui qui fait le hajj, le 6, son hajj, il est batil. Celui qui fait le hajj, le 20, son hajj, il est batil. La salat, c'est pas. Ça, c'est la compréhension des salaf et des sahaba. Toutes ces narrations, elles sont rapportées dans le livre des anciens. Elles sont rapportées dans le Muhalla d'Ibn Hazm. المجلد الثاني صفحة 13 volume 2 la page 13. يدي ابن حزم à ce propos-là, il dit فإن كل عمل علق بوقت محدود فإنه لاصح في غير وقت. Tout acte qui a été lié à un temps précis n'est valable que dans ce temps précis. D'accord? Il dit ensuite ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بين. Il dit, si jamais Ibn Hazm dit tout acte qui est lié à un temps précis n'est valable que s'il a accompli dans ce temps précis. Tout acte qui est lié à un temps précis n'est valable que s'il est accompli dans ce temps précis. Hein? Et si cet acte-là était valable en dehors de ce temps-là, il n'aura aucun intérêt à citer le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Si une personne, on lui dit, voilà, attention, al-Zahr, il commence al-Zawal, quand le soleil est au zénith, et il finit al-Asr, au temps de l'Asr, on verra en détail, Inch'Allah. Tu lui dis, attention et tout, il y a des noussous qui sont venus, Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, inna salat kanat al-mu'mina kitab manquta, la salat est une obligation pour les croyants dans son temps, etc. D'accord? Mais après tu lui dis, mais attention, si jamais tu la fais pas, et qu'après tu la rattrapes après l'Asr, ou même au moment du Maghreb, c'est bon. Elle est valable. Quelle faïda est à faire ça? D'accord? Et on va voir par la suite, ça n'aura un fi'l dhalik. Yani, tark al-salah wahida hatta yakhruj waqtaha, kufrun wa ridda, bil kitab sunnah wa ijma' al-sahaba. On va voir par la suite, à la fin de ce chapitre, que le fait de faire cela, de délaisser une salat jusqu'à ce que son heure sorte, que dire alors de ceux qui rattrapent toutes les salats à la fin de la journée, et de la mécréance et de l'apostasie, selon le livre d'Allah, la sunna, et les paroles des compagnons. Amma an-nasi wa an-na'im, en ce qui concerne celui qui a oublié la salat, ou celui qui sait, qui était endormi, et qui a oublié de faire la salat, an Anas ibn Malik, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam a qal, من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك متفق عليه يراه البخاري ومسلم. Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui oublie une prière, qu'il la prie lorsqu'il s'en rappelle. Et il n'a pas de compensation si ce n'est cela. Ce hadith est rapporté par le Bukhari ومسلم. Celui qui oublie une salat, qu'il l'a pris lorsqu'il s'en rappelle, il n'a pas de compensation en dehors, à part cela. Il n'a pas de compensation à part cela. Wa Nabi Qatada taqal, ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. Et dans une version du hadith, on cite la fin, si l'un d'entre vous oublie une salat ou qu'il dort pendant celle-ci, qu'il la prie lorsqu'il s'en rappelle. Ce hadith il est rapporté par al-Tirmidhi et al-Nasa'i et il est authentique. Qal ibn Hazm, واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها أبدا مراتب الإجماع صفحة 58 ابن حزم رحمه الله il a dit en citant l'Ijma, ils sont unanimes pour dire que celui qui dort pendant une salat ou qui oublie une prière ou qui s'enivre avec de l'alcool jusqu'à ce que l'heure de la salat sorte, que tout cela doit rattraper leur salat lorsqu'ils sortent de cet état. Ibn Hazm fait rentrer aussi le personne ivre. Donc la question précédente, c'était celui qui la délaisse volontairement, sans excuse de sommeil, une excuse d'oubli. Là, c'est pas une excuse, mais sans être inconscient. C'est-à-dire la personne qui devient fou, qui est enivré. Donc il dit, Rahimallah, Ibn Qudama, il continue en disant, juste la parole précédente, il dit, voilà, il nous ta'khiru an waqtiha, il n'est pas permis de retarder la salat de son temps, illa lina win jam'iha, sauf pour une personne qui a l'intention de rassembler les salats. Sauf pour une personne qui a l'intention de rassembler les salats. Rassembler les salats, c'est permis dans trois cas. C'est permis dans trois cas. On détaillera, inshallah, dans le chapitre du voyage et de la maladie, etc., etc., plus tard, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala. واسباب الجمع ثلاثة احدها السفر المبيح للقصر والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء والثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا ملخصا من الكافي صفحة 31 او 100. Il dit, Ibn Qudama, rahimahullah, dans le kafi, je vais résumer, il dit les causes de permission du fait de rassembler la salat sont au nombre de trois. Le premier, le voyage qui rend permis le raccourcissement de la salat. On va pas détailler ce point-là, mais c'est pour la grande majorité des ulama, parmi eux, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, 16 farsakha, 16 farsakh. 16 farsakh, c'est une unité de mesure de l'époque, c'est-à-dire entre 75 et 80 km. 75 ou 80 km en fonction des calculs. C'est ça qui rend permis le fait de raccourcir la salat, et c'est ça qui rend permis le fait de rassembler entre deux salats. Le deuxième cas, el marad, la maladie. La maladie, wa yulhaqu bihi el haml lil mar'a, la maladie et aussi le fait d'être enceinte pour la femme, la grossesse. rendent permis de rassembler les salats entre elles. Quand on parle de rassembler les salats entre elles, signifie bien sûr al-dhuhr avec al-asr et le maghreb avec l'isha. Pas al-dhuhr, al-asr, le maghreb et l'isha dans une seule temps. Ça, personne n'a dit cela. À part al-dhullal de notre époque. Les égarés de notre époque. Je vous ai dit le deuxième, la maladie. En fait, je me suis trompé, mais bon, dans le classement, c'est pas grave. Le troisième, la pluie. La pluie rend permis le fait de rassembler al-Maghreb ou al-Isha, khas. Le Maghreb et l'Isha, comme c'est venu dans les hadiths authentiques. Hein? C'est bleu, une pluie forte, qui mouille les vêtements, et qui rend difficile l'accès à la mosquée. Il est permis, et il est sunna, de rassembler entre le Maghreb et l'Isha. Il dit, donc ça on en a fini avec cette question-là, إِلَّا يِنَاوِي جَمْعِهَا أَوْ مُشْتَغِلٍ بِشَرْتِهَا. Personne, il est permis de retarder la salat dans deux cas. Le premier, celui qui a l'intention de rassembler les salats, selon les trois excuses qu'on a citées. Le deuxième cas, أَوْ مُشْتَغِلٍ بِشَرْتِهَا, ou une personne qui est occupée à acquérir une condition de la salat. Par exemple, celui qui est en train de faire le wudu. D'accord, vous avez compris ce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'une personne dormait. Il se réveille, on va dire, il n'a pas fait le dhuhr, et le dhuhr va sortir. D'accord? Il a le droit de retarder le dhuhr, le temps de faire quoi? Le temps de faire le wudu, tout simplement. Le temps de faire le wudu, tout simplement. Ou le rousse, ou... Allez. On arrive à la dernière question du chapitre. Le Qudama, rahimahullah, il dit, فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. Le Qudama, rahimahullah, il dit, c'est la dernière question, celui qui délaisse la salat, on lui demande de se repentir pendant 3 jours. S'il ne se repent pas, c'est-à-dire s'il n'accomplit pas la salat au bout de ces 3 jours, qu'est-il ? Il est tué. Il est condamné à mort. Donc on voit qu'ici, les ulama, même ceux qui disent que celui qui délaisse la salat n'est pas un kafir, ils disent qu'il doit être condamné à mort. Non? Avant de parler de la condamnation à mort, on va parler de la question du fait de délaisser la salat. Premièrement, قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا اختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة في الصلاة وحكم تاركها صفحة 5. ابن القيم رحمه الله يقول il n'y a pas de divergence entre les musulmans que le fait de délaisser la salat obligatoire volontairement fait partie des plus grands péchés. Et que ce péché auprès d'Allah est pire que le péché de tuer une âme, de prendre l'argent, de forniquer, de voler, de boire de l'alcool. Et que la personne qui fait cela s'expose au châtiment d'Allah, à sa colère et à son humiliation dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans As-Salah, dans son livre As-Salah à la page 5. Qu'est-ce qu'il veut dire ici Ibn al-Qayyim rahimahullah? Il veut dire que même pour les gens qui voient que le fait de faire la salat n'est pas de la mécréance majeure, c'est un pire péché que de tuer l'âme innocente, que le meurtre. Nous on sait que délaisser la salat c'est du kofr akbar, c'est de la mécréance majeure. Mais même ceux qui ne considèrent pas comme de la mécréance majeure, ils devraient savoir que si leur fils délaisse la salat, que si leur conjoint délaisse la salat, C'est pire que si c'était un assassin. C'est pire que si c'était un assassin, un voleur, un buveur d'alcool. Et on sait que c'est pire que ça, puisque c'est du kufr. D'accord? Mais on sait que invoquer un autre qu'Allah, par exemple, ou préférer le jugement du Tarot au jugement d'Allah, c'est pire que de l'homosexualité, la fornication, le meurtre, le génocide, tuer des enfants, que sais-je, moi. On le sait, nous. Notre échelle des valeurs, elle est saine, elle est conforme au Coran et à la Sunna. L'échelle des valeurs des gens, elle n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. Pour eux, voler ou tuer, c'est pire que associer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou que même délaisser la salat, hein. Et pour certains, par exemple, se saouler, ou je sais pas moi, vendre de la drogue, c'est pire que délaisser la salat, par exemple. Alors que c'est faux. À l'unanimité, il n'y a pas de divergence sur ça. Il vient de le citer, Ibn al-Qayyim, rahimahou wa ta'ala. والصحيح مع ذلك أن من ترك الصلاة يقتل كفرا. Celui qui la vie la vie le plus l'authentique juste, c'est que celui qui délaisse la salat est tué en tant que kafir, murtad. Bien sûr, on parle par le chef de l'État islamique, etc., par le Qadi. On va citer quelques preuves, pas toutes. Notre but, c'est pas de faire un dars détaillé sur la question de délaisser la salat ou quoi que ce soit. Al-Muhim. أن اللبيب بالإشارة يفهم que la personne qui a été guidée par Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de beaucoup de preuves et de philosophie et de répondre et de débat et de quoi que ce soit. Les preuves, elles sont claires dans le Coran, la Sunna, ijma' as-sahaba, que celui qui délaisse la salat est un kafir. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Allah dit dans sourate At-Tawbah, le verset 11, Surat At-Tawbah, Surat 9, le verset 11, s'ils se repentent, il parle des mushrikines, s'ils se repentent, qu'ils accomplissent la salat et qu'ils acquittent la zakat, ils sont vos frères dans la religion. C'est-à-dire qu'il met Allah Azza wa Jal dans ce verset comme condition pour arrêter le combat des mushrikines, trois choses. Qu'ils se repentent, c'est-à-dire du shirk, qu'ils accomplissent la salat, qu'ils donnent la zakat. Dans ce cas-là, ils sont quoi? Vos frères dans la religion. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر في شرح عمدة الفقه في الصفحة 73 ابن تيمية رحمه الله يقول الله allie la fraternité dans la religion à ces trois choses, le fait de se repentir du shirk, d'accomplir la salat et de donner la zakat. Ce qui est lié à une condition est absent en absence de la condition. Ce qui est lié à une condition est absent en absence de la condition. Celui qui ne fait pas ces trois choses n'est pas notre frère dans la religion. Celui qui n'est pas notre frère dans la religion est un kafir. C'est la parole de Ibn Taymiyyah dans la compréhension de ce verset. Ça, c'est dans son explication de Umdat al-Fiqh à la page 73. وجابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في الإيمان. جابر rapporte que qu'il a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire entre l'homme d'une part et le shirk et le kufr, d'autre part, il y a le fait de délaisser la salat. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim dans le livre de la foi de son sahih. Entre l'homme d'une part et le shirk et le kufr d'autre part, il y a le fait de délaisser la salat. Ce hadith, il est clair par le fait que devant les termes shirk et kufr, il y a alifullah, le ta'rif. Hein? Le fait qu'il y ait al-shirk ou al-kufr. En français, l'idolâtrie et la mécréance. Ça implique al-shirk al-akbar ou al-kufr al-akbar. Ça implique la mécréance majeure. Parce qu'il y a alif wal-lam, comme ça a été démontré par Ibn Taymiyyah rahimahullah dans de nombreux livres, parmi lesquels Sharh Hamid al-Fiqh, parmi lesquels Ikhtida Surat al-Mustaqim. Et cette question-là, on a cité un verset du Coran et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont clairs. Cette question-là, elle fait unanimité chez les compagnons du prophète sallam, comme le rapporte An Abdillah ibn Shaqiq al-Uqayli قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي خرجه الترمذي. Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli, parmi les tabi'in, il disait les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas le fait de délaisser un acte comme de la mécréance, sauf le fait de délaisser la salat. Ici, Abdullah ibn Shaqiq, il l'a attribué à tous les compagnons. Il a dit les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça signifie al-ijma'. C'est pas le seul. Ça s'est rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami' numéro 3622. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى سمعت إسحاق يقول إسحاق بن راهويه يعني من أصحاب من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا بغير عذر حتى يذهب وقتها كافرون. وهذا في تعظيم قدر الصلاة صفحة 65 و500. محمد ابن نصر المروزي يجي j'ai entendu إسحاق. إسحاق c'est qui? C'est l'imam إسحاق ابن راهوية. إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية أبو يعقوب c'est le شيخ de l'imam Bukhari. C'est un des شيوخ, des plus grands شيوخ de l'imam Al-Bukhari رحمه الله. Et qu'est-ce qu'il dit ce savant? Il dit il est établi du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم que celui qui délaisse la salat est un kafir. Ensuite, il dit quoi? Et ceci était l'opinion des gens de science, depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à notre époque, à l'époque de Ishaq, c'est-à-dire c'est l'époque de l'imam Ahmed. Comme quoi, celui qui délaisse la salat, volontairement, sans excuse, jusqu'à ce que son heure sorte, est un kafir. Volontairement, sans excuse, jusqu'à ce que son heure sorte, est un kafir. Ça, c'est dans le livre, Ta'zim Qadr al-Salat, à la page 656. De même, il est rapporté par Ibn Hazm dans le Muhalla. Il dit, et il rapporte, et là il cite nommément les compagnons qui ont cette opinion. Il dit, Rahimahullah, وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرد واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد في المحلى مجلد الثاني صفحة 25. Ibn Hazm dit rahimahullah, il est établi de Omar ibn al-Khattab, le premier, de Abdurrahman ibn Auf, de Mu'az ibn Jabal et de Abu Huraira, parmi les grands compagnons, parmi les ulama des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi? Et d'autres parmi les Sahaba, ce qu'il a rapporté de ses compagnons, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas du même avis, on l'a vu, c'est l'avis de tous les compagnons. Mais il cite nommément cela, on pourra en citer d'autres. Comme quoi, celui qui délaisse une prière obligatoire, volontairement, jusqu'à ce que son heure sorte, il est un kafir murtad. Ça c'est dans le Muhalla, le volume 2, la page 15. Ici, on est obligé de prendre cette compréhension. Ça veut dire que les ulémas qui disent que c'est le fait de délaisser toute la salat qui rend la personne kafir, hein, et qui disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ben ash-shirki wal kufr tarka as-salat, entre le shirk et le kufr, il a fait de délaisser la salat, et que ça signifie toutes les salats, c'est là que la personne devient kafir, comme c'est l'avis de certains contemporains comme Ibn Uthaymin ou quoi que ce soit. C'est pas l'avis le plus juste. Pourquoi? Parce qu'ici les compagnons ils nous disent quoi? Ils nous disent, quand ils rapportent l'ijma, ceux qui délaissent une salat jusqu'à ce que son heure sorte, c'est celui-là qui est un kafir murtad. Et on est obligé, علينا ويجب علينا أن نفهم النصوص كما فهمها الصحابة صحابة رسول الله رضي الله عنهم. On est obligé de comprendre les textes selon la compréhension des compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. C'est ça qui fait de nous des sunnas. Et c'est pour ça que, par exemple, le Cheikh Ali Al-Khudair, rahimahullah, il dit, fakallahu asra, il dit dans son explication de Sourate Al-Thalatha, il dit, wa alayh ijma'u as-sahaba wa at-tabi'in wa la yultafatu li khilafin man ba'dahum ba'da an sahha al-ijma'. Il dit, Ali Al-Khudair, comme dans l'Ujaza, Sharh Sourate Al-Thalatha, à la page 47, il dit, et ceci, c'est une ijma' des compagnons. Et on ne se préoccupe pas de la divergence qui est venue après l'établissement de l'ijma. C'est pour ça que des fois, vous trouverez par exemple dans le fiqh, on cite l'ijma. Et après, il y en a d'autres qui ont ramené les divergences. Mais une fois que l'ijma elle est établie dans les premiers siècles, la divergence qui est venue après, elle a aucune valeur. On s'y intéresse même pas. Même s'il y a des gens qui ont divergé. Il y a des gens qui ont divergé avec le Coran et avec la Sunna aussi. Hein. Le hadith il dit une chose, et eux ils disent le contraire. C'est pas parce que la personne yantasibu ila al-ilm, ou que les gens le considèrent comme un savant, ou qu'il est réellement un savant, qu'on prend en compte sa parole, surtout s'il s'oppose à un ijma. Ça a beaucoup de gens, et beaucoup de tullab al-ilm mubtadi'in, à cause de l'influence de l'mubtadi'a, ils ont cette erreur-là. Comme quoi, ils voient qu'il y a ijma sur une question, et ils continuent à discuter de la question, à dire oui, mais il y a des avis contradictoires, oui, mais, non, l'ijma, il a été établi. Même si c'est Ibn Hazm qui nous ramène l'ijma d'al-Muhalla ou d'al-Maratib, ou c'est Ibn Mudhir ou encore plus des gens comme Ishaq ou quoi que ce soit, c'est bon, même si la divergence après, ça ne nous intéresse pas la divergence. L'ijma, il est établi. Et je vous l'ai dit, l'ijma d'alilun mustaqil. L'ijma, c'est une preuve établie dans notre sharia. Maintenant, il reste une question de l'qatl. C'est à partir de quand que la personne est condamnée à mort. Il y a une petite divergence dans le madhab de l'imam rahimahullah qui dit, ils disent واختلفت الروايات كما يريدنا العدة شرح العمدة واختلفت الرواية في الذي يجب قتله قال القاضي فيه روايتان إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق أو تضايق وقت الثانية لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها ولكن لا يجب قتله لأنها فائتة والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية. La première version qui est rapportée dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est quoi? C'est qu'on le tue s'il délaisse une prière. Mais on attend que la deuxième prière rentre. Même que la troisième prière rentre. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il les rassemble, qu'il ait une ambiguïté ou qu'il les rassemble. D'accord? C'est pareil pour le takfir. On dit que celui qui délaisse une salade volontairement, il sort de l'islam. C'est la vie des compagnons, on l'a cité. Mais tu ne fais pas le takfir d'une personne que tu ne vois pas faire le dhahr jusqu'à ce que le maghreb rentre. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il rassemble le dhahr al-asr plus tard, amener une excuse ou quoi que ce soit. D'accord? De toute façon, le takfir de celui qui délaisse la salat, c'est comme le reste du takfir. Il faut qu'il soit basé sur al-yaqin, sur la certitude. Pas sur le dhahr, sur le doute. Il faut être sûr que la personne ne prie pas. Une fois qu'on est sûr que la personne ne prie pas, hein, là, on fait son takfir. والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابع عن فعلها. Il y a une deuxième version qui dit qu'il est obligatoire de le tuer s'il délaisse trois salats, et que la quatrième est en train de sortir. D'accord? Allah al-Musta'an. La preuve de ceux qui disent, par exemple, parmi ceux qui même ne voient pas la mécréance de celui qui délaisse la salat, parce que nous on l'a vu, la personne qui délaisse la salat ici, il est tué à cause de quoi, Erwan? Il est tué à cause de sa ridda. Le dit Bukhari, celui qui change de din, tuez-le. C'est-à-dire, ça s'adresse, encore une fois, al-qadi, ou dans le cas de Tawaf al-Mumtani'a, al-Murtadda, du groupe d'apostasie qui combat pour son apostasie, ça s'applique à tout musulman mujahid. Essentiel. Il dit ensuite, Bahadi al-Maqdisi rahimahullah, فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها يقال له إن صليت وإلا قتلناك لأنه قتل لترك واجب فتقدمه الاستتابة قتل المرتد فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقول عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Et il dit al-Baha al-Maqdisi al-Udda, à la page 58, il dit, s'il devient obligatoire de le tuer, on ne le tue pas jusqu'à ce qu'on lui demande de se repentir pendant 3 jours. On l'emprisonne, par exemple, et on lui dit à chaque fois, à chaque salat, on lui dit, prie, tu dois prier à chaque heure, sinon tu vas être tué. Prie, sinon tu vas être tué pendant 3 jours, comme l'on fait cela à l'apostat, s'il refuse de se repentir, on le tuera par l'épée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous tuez, faites-le avec bienfaisance. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.